One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Au ba'd, frères et sœurs en islam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue toujours avec le tafsir du Coran, sourate An-Najm. Et à présent, à partir de la ayah numéro 29, Allah Azza wa Jal, il nous a parlé avant, dans les ayats avant, Allah Ta'ala, il a beaucoup répété les sources non fondées des mouchriquines qui étaient basées dans leur croyance sur le dhan. Sur, par exemple, la conjecture sur l'ignorance, sur al-jahl, sur al-hawa, leur passion et ainsi de suite. Alors, quelle est l'attitude du croyant envers ces gens-là qui veulent se tenir seulement au dhan ainsi qu'à leur hawa, à leur passion? Dans cette ayah 29, Allah Azza wa Jal, il dit « Fa'a'rid عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا أَعْرِضْ. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie présente, la vie de la dunya. Donc Allah Azza wa Jal ici, il ordonne de faire al-i'rad. Al-i'rad, c'est le sens de quasiment d'un certain boycott dans le traitement de quelqu'un. أعرض عنه, tu vas regarder ailleurs. Tu ne veux pas lui donner d'importance. Alors Allah Ta'ala, il ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ça envers celui qui se détourne du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. تولى عن ذكرنا فرع عليه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإعراض عنهم ذلك لأن ما تقدم من وصف ضلالهم كان نتيجة إعراضهم عن ذكر الله وهو التولي عن الذكر فحق أن يكون جزاؤهم عن ذلك الإعراض إعراضا عنهم. Donc là, regardez. Ces gens-là, pourquoi sont-ils égarés? Entre autres, parce que ils se détournent du dhikr d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala, il a révélé le Coran, qui est le dhikr. Le Coran s'appelle aussi le dhikr. C'est le rappel. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ces gens-là, tawallaw an dhikrillah, se sont détournés. Pas intéressé. Yatawalla, quand on dit yatawalla, c'est quoi? Il part. Pas intéressé de venir, d'écouter. Tawalla est parti. Alors Allah Ta'ala, de un, nous explique la raison de leur égarement. Ce n'est pas des pauvres miskines, ils sont ignorants. Personne qui leur a accordé l'opportunité de connaître. Ils sont juste perdus, les pauvres. Non. Ils ont l'opportunité, la possibilité de connaître la vérité. Ils ne sont pas intéressés à la connaître. Ça, c'est de un. De deux, ça justifie le traitement qu'on leur donne. Celui qui se détourne du dhikr d'Allah Azza wa Jal, on se détourne de lui. Il ne donne pas d'importance au dhikr d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas lui donner trop d'importance. الجزاء من جنس العمل. وأيضا لما كان دأب هؤلاء أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه أنفسهم أمره بالإعراض عنهم ولم يرد إلا الحياة الدنيا عن هؤلاء الذين أحدهم لا يريد إلا الحياة الدنيا. Aussi parce que ces gens-là, Allah Ta'ala, il dit, ils se détournent du dhikr d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi se détournent-ils du dhikr d'Allah Subhanahu wa Ta'ala? Est-ce que parce que le contenu n'était pas bon? Oui. Ok, peut-être, mais peut-être trop dur, parfois le contraire, trop mou, ça dépend des personnes. Mais la raison principale, Allah Ta'ala, il a dit, « لم يرد إلا الحياة الدنيا » Il ne veut que la vie du bas monde. Il ne veut pas la akhira. S'il ne veut pas la akhira, c'est normal qu'il va se détourner du Coran parce que le Coran, il est là pour ceux qui veulent avant tout la akhira. Ces gens-là ne veulent pas la akhira. Ils ne veulent que la dunya. Ils considèrent que le Coran ne leur parle pas à eux. Encore une fois, ce qui explique pourquoi certaines personnes ne sont pas guidées. C'est incroyable comment des personnes, ils ont tout pour suivre la guidée, mais ils ne vont pas la suivre. Et nous, on essaie de comprendre pourquoi. C'est clair. Mais, subhanallah. C'est pour ça l'hidayah est toujours allée entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais se dire pourquoi telle personne n'est pas guidée. Ou telle personne, ça c'est quelqu'un qui est fait pour l'islam. Si je vais lui présenter l'islam, il va accepter l'islam. Lui n'est pas fait pour l'islam. On ne sait pas. C'est Allah Azza wa Jal qui sait, subhanahu wa ta'ala. Je connais une personne, indirectement à travers des personnes, sans donner trop de détails. Cette personne-là, extrêmement respectueuse envers les musulmans. Sa famille qui l'entoure, c'est des musulmans. Ses propres enfants, ses jeunes enfants, c'est des musulmans. Ses jeunes, des petits, c'est des musulmans. La personne a vécu avec les musulmans, a vécu dans des pays de musulmans. Elle apprécie beaucoup la culture, les valeurs. Elle aime même, elle encourage que ses enfants apprennent l'islam et qu'ils soient dans un environnement de l'islam pour qu'ils ne soient pas égarés et tout et tout. Beaucoup de personnes l'invitent à l'islam jusqu'au point que ses enfants, ses petits-enfants lui parlent comme ça. Lui disent, mais vu que tu n'es pas une personne musulmane, ça veut dire que tu ne vas pas venir avec nous au paradis, toi, tu vas finir en enfer. Et la personne n'accepte pas l'islam jusqu'à maintenant. Ça ne va lui faire aucun mal s'il va accepter l'islam. Aucun. Tout est favorable et elle connaît l'islam, elle apprécie l'islam, elle aime les valeurs de l'islam, elle encourage ses enfants à suivre l'islam. Pourquoi cette personne ne suit pas l'islam? Pourquoi n'accepte pas l'islam? Allahu a'lam. C'est Allah Ta'ala qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, quelque chose qui est caché dans le cœur de la personne que nous on ne peut pas contrôler. C'est Allah, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gens que لم يريد إلا الحياة الدنيا. Il ne veut que la vie du bas monde. Qu'est-ce que tu peux lui faire? Surtout ces mouchriquins là qui attaquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se moquent du prophète alayhi salatu wa sallam. Des gens comme ça, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ne leur donne pas trop d'importance. أعرض عنهم. قال ابن كثير أعرض عن الذي أعرض عن الحق وهجره أهجره. Ça veut dire boycott une telle personne. طيب الإمام طاهر بن عاشور رحمه الله on a parlé de طاهر بن عاشور notre fois. Qu'est-ce qu'il dit ici? إعراض النبي صلى الله عليه وسلم المأمور به مراد به عدم الاهتمام بنجاتهم وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإدامة دعوتهم للإيمان. Donc là, le fait qu'Allah Azza wa Jal, il lui demande de se détourner de eux, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur fait pas la da'wah. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué de les inviter vers l'islam après cela, après cette ayah. Mais le sens ici, c'est quoi? C'est il y a des gens, tu vas lui faire da'wah tant que possible, mais il ne faut pas trop te soucier de ça guider. Tu as fait ton devoir. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui cherche la vérité, qui est pleinement dédié à la vérité. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un d'être très intéressant par le dhikr, très intéressé par le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faut pas trop se soucier de ce genre de personnes. En disant, faut trouver tout pour convaincre cette personne. Il faut, laisse-le. Surtout s'il te fait du mal, s'il fait du mal aux musulmans, da'adahum, boycotte-le, laisse-le. Tu lui fais da'wah quand possible, mais encore une fois, sans trop porter sans souci. C'est ça ici le sens un peu de cette ayah. C'est pour ça Ibn Uthaymin, il dit, laysa al-ma'na a'rid anhu la tansahhu, ay bal la tubali bihi, wa la yahummannaka amruhu, wa la tastahshir min ajli tawallih, bal ud'uhu ila sabilillahi azza wa jalla ayyan kan. Le sens, il dit Ibn Uthaymin, rahimahullah, ce n'est pas ne lui donne plus de nasiha, ne lui fait plus de rappel. Non, fais-lui da'wah, mais ne l'accorde pas, ne sois pas trop soucieux d'une telle personne. Là, il y a même des gens qui sont des musulmans, mais qui sont comme ça. Ils ne sont pas trop intéressés par le dîn. Et à chaque fois, tu essayes, tu dis peut-être cette fois, ça va l'attirer vers le dîn. Non, pas trop intéressé. Des gens comme ça, tu peux lui faire continuer à lui faire nasiha. Mais ne sois pas trop, ne casse pas ta tête en disant pourquoi lui n'accepte pas, pourquoi? Parce que ça va te faire du mal à toi. Non, Marie. Si c'est quelqu'un de la famille, c'est difficile de C'est normal. Plus que la personne elle est proche de nous, le plus que ça va engager un peu. C'est pour ça, Allah Azza wa Jalla, encore une fois, regarde. Nous qui cherchons la guider de notre famille, par exemple, de notre proche, coûte que coûte, quoi que ce soit, on ne peut pas être plus soucieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait la da'wa à des gens qui ne sont même pas ses proches. Parce que lui, il est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Son degré d'adhésion au message d'Allah subhanahu wa ta'ala à la vérité n'est pas comme moi et comme toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît d'Allah azza wa jalla ce que nous on ne connaît pas. Il connaît de la punition d'Allah azza wa jalla, du adhab d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend telle personne qui n'a pas suivi la vérité, ce que moi et toi on ne connaît pas. Et même malgré ça, Allah azza wa jalla, il distrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils disent ici. En arabe, ils disent « Fihi tasliyatun linnabi sallallahu alayhi wa sallam ». Plusieurs ayats comme ça, surtout dans le Coran, mais quoi ?« Fala tadhab nafsuka alayhim hasarat ». Parce que ça peut te causer à toi aussi du mal. Le malheur, ça peut t'occuper d'autres choses plus importantes, même dans la ibada, dans le din et autre chose. Donc oui, il y a l'aspect humain de quelqu'un aimant proche ou autre chose. Mais il faut aussi garder en tête toujours que si Allah Ta'ala il a écrit que ce soit comme ça pour une personne, moi je n'y peux rien. C'est clair? طيب. Il y a certains savants, certains ulama de tafsir comme Ibn Abi Zamanayn, Al-Wahidi, Al-Qurtubi et d'autres qui ont dit que cette ayah-là, elle est mansoukha, abrogée. Ça veut dire que elle ne s'applique plus, a été abrogée par d'autres ayats. Mais ici, comme ils disent les ulama, Al-Naskhu la yathbutu ma'a l'ihtimal, que l'abrogation, ça c'est souvent on trouve dans les livres de tafsir, certains savants de tafsir, parfois quand ils ont de la difficulté à mettre une ayah dans un contexte plus général, vont dire que cette ayah, elle est quoi ? Abrogée. Mais la règle, c'est que non, l'abrogation a besoin d'un dalil khas, d'une preuve claire, narration authentique qui dit que cette ayah-là, elle est abrogée. Sinon, si on ne peut pas juste permettre à des êtres humains, juste comme ça, de juger que la parole d'Allah Azza wa Jalla, cette ayah, elle est abrogée. Donc parfois, il y a un peu d'excès dans cette prétention d'abrogation de an-nasr. Zalika mablaghuhum min al-'ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Maintenant la aya numéro 30, Allah Azza wa Jalla il dit zalika mablaghuhum min al-'ilm. Que zalik, ça voilà, ça c'est toute la portée de leur savoir. Leur savoir ne dépasse pas la dunya. Il y a des gens dont la perspective ne dépasse pas al-hayat al-dunya. Allah Ta'ala il nous parle de ça aussi dans une autre ayah dans le Coran al-Karim. Qui connaît l'autre ayah dans le Coran al-Karim? Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran min al-hayat al-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Allah Ta'ala dit que la plupart des gens ne connaissent pas. C'est ça ce que Allah dit là. La plupart des gens ne connaissent pas. Là, ça s'arrête. Waqf. Mais dit, quelqu'un va dire, comment ça, la plupart des gens ne connaissent pas? La plupart des gens connaissent beaucoup de choses. La plupart des gens ont étudié. De nos jours, regarde, les gens sont devenus très instruits, ils ont accès à l'information. Là, on continue. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ Rafilou. De un, ils sont dans la rafla, couverts complètement de la akhira. Ils ne connaissent rien de la akhira. Ils connaissent juste la dunya. Et de la dunya, ils ne connaissent qu'une apparence. Zahiran min al-hayati dunya. C'est quoi l'apparence de l'hayati dunya? Les désirs. Le plaisir, quelle est l'apparence de l'hayat al-dunya? Que c'est éternel. L'apparence de l'hayat dunya, c'est ce qu'on voit a priori. Est-ce que les réalités sont toujours ce qu'on voit a priori? Non. C'est pas toujours ce qu'on voit a priori. Il y a des choses qui sont très intéressantes a priori. Il y a des milliers d'exemples qu'on peut donner. Lorsque tu voyages, tu vas partir en voyage. Après, ça fait longtemps que tu n'es pas parti en voyage. Tu pars en voyage. Là, tu as réservé hôtel 4 étoiles. Tu prends la chambre que tu viens de réserver. Quel est le premier effet? Ça, c'est trop beau. Quelques heures, ça se dissipe. Une nuit, deux nuits, ça devient juste... Et là, tu commences à regarder où est-ce qu'il y a la poussière, où est-ce qu'il y a des... Donc, il y a le zahir. Le zahir, c'est toujours la première image. La plupart des gens ne connaissent que le zahir parce qu'ils aiment ça. Ils aiment être émerveillés. Ils pensent que la dunya, c'est le paradis. C'est clair. Mais la dunya, elle a un batin aussi. Elle a une face cachée. Et sa face véritable, c'est la face... caché. La face, par exemple, pour ne pas dire que c'est juste dans les plaisirs, c'est plus que les plaisirs et les désirs. Donc oui, les tentations, les plaisirs, les shahawats, c'est une partie, mais aussi même dans les perceptions de puissance. Toujours, toujours, ça se répète, l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on dit l'histoire se répète et la plupart des gens n'apprennent pas de l'histoire? Tout celui qui arrive au pouvoir, le premier jour, quand il arrive au pouvoir, quel est le premier effet? L'émerveillement, oui. L'orgueil. L'invincible, toujours. Al-kibr, l'arrogance. Tu peux faire tout ce que tu veux maintenant. Après ça, al-mulk, toujours al-mulk, la gouvernance. Ça commence super sweet. Ça se termine très très amer, comme ils disaient certains des salafs. C'est clair. Donc il y a le zahir, le hayat dunya, l'apparence, et il y a le batin. La plupart des gens, de un, ne connaissent que de la dunya, ils ne connaissent pas la akhira, et de deux, de la dunya, ne connaissent que zahiran, une apparence de la dunya. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, il dit وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ici dans sourate An-Najm, Allah Azza wa Jalla, il dit وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَا الْعِلْمِ. Ces gens-là, la portée de leur savoir, c'est ça. C'est la volonté de la dunya. Ça s'arrête là, ça ne va pas trop loin. Celui que, toujours comme règle, si tu vois qu'une personne, sa portée, sa volonté, sa science ne dépasse pas la dunya, toujours comme ça, ne perds pas trop de temps avec une telle personne. Ne mets pas trop d'espoir sur une telle personne. Ne dis pas, ça, un jour, ça peut devenir très, très important, lui. Il y a des gens comme ça, ils voient quelqu'un, ils disent, regarde, quelqu'un de très, très instruit, quelqu'un de très intelligent. Un jour, il va être un très grand musulman, lui. Il va faire quelque chose de très grand pour les musulmans. Non, mais tu as oublié que, regarde, c'est quel type de personne, ça? Alhamdoukallah. C'est quelqu'un que la portée de sa connaissance est là, la dunya. Mais pas trop d'espoir sur ce type de personne. طيب quelqu'un pourrait dire ذلك مبلغهم من العلم. Si ces gens-là, les pauvres, quelqu'un va dire c'est les pauvres, ils n'ont pas beaucoup de connaissances. ذلك مبلغهم من العلم, la portée de leur science n'est que comme ça. Alors pourquoi est-ce que Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas leur donner d'importance? Normalement, l'ignorance est une excuse, quelqu'un pourrait dire. Alors ici, il explique قال ذكر الله عز وجل قبل ذلك أنهم تولوا عن ذكر الله فكان عدم علمهم لعدم قبولهم العلم. Allah Ta'ala nous a expliqué déjà que ces personnes-là, ça c'est la portée de leur science, parce que c'est eux qui se sont détournés de la science valide, authentique, bénéfique. Donc, est-ce que l'ignorance est une excuse dans la religion ou non? Non. Il a dit non, tout de suite, fermé, fini. Ça dépend. Donc ça dépend. L'ignorance, pourquoi l'ignorance? Il y a l'ignorance de celui, comme on a dit, celui qui se détourne. يُعْرِضْ عَنِ الْعِلْمِ الْإِعْرَضِ. Même, subhanallah, certains ulama ici, ils ont écrit dans leur nawaqid l'islam, parmi les nawaqid, les annulateurs de l'islam de la personne, الْإِعْرَضُ عَنْ تَعَلُّ مِنْ الْإِسْلَامِ. Quelqu'un qui se détourne complètement. Ça veut dire qu'il n'est aucunement intéressé par apprendre sa religion. Ça, c'est un signe que la personne, elle, l'islam, ce n'est pas du tout important pour elle. Et il y a celui qui ignore parce qu'il a cherché, mais il n'a pas trouvé l'information complète. Donc, c'est dans le deuxième cas que l'ignorance peut être une excuse. Et aussi, ça explique pourquoi est-ce que ces gens-là ne croient pas en la akhirah. Rappelez-vous, avant, la ayah avant, إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِي الْآخِرَةِ. Pourquoi لا ي... on a dit pourquoi لا يؤمنون بالآخرة, pourquoi ils ne croient pas en l'آخرة. Mais ils disent, certains parmi eux, ils disent qu'il y a le paradis, il y a l'enfer. Mais malgré ça, Allah Ta'ala, il a jugé que ce n'est pas des croyants en l'آخرة, parce que ici, ça explique leur volonté, ce n'est pas l'آخرة, leur volonté, ce n'est que la dunya. Il n'y a pas, encore une fois, tout comme on a dit plus tôt sur, rappelez-vous les restrictions, on n'a pas dit ça ne peut pas exister ça. Un musulman, un mu'min, même faible iman, et qui ne croit en aucune restriction. Lorsqu'un frère l'avait posé la question sur cette ayah. Ici, c'est la même chose. Il ne peut pas y avoir un mu'min, même avec comme ça un grain de iman, qui dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » et qui dit « Je sais que Al-Jannah c'est vrai et que Al-Nar c'est vrai et que l'au-delà c'est vrai, mais sa volonté aucunement vers la akhira, juste la dunya. » Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Hypocrisie, nifaq akbar, ça veut dire ça, c'est offense, ça c'est un kafir. S'il ne veut, il ne veut aucunement, lam yurid illa al-hayat ad-dunya. Dans son cœur, lui, il dit, peu importe ce qui va se passer dans l'akhira, peu importe. Plus important, je veux profiter maintenant. Ça c'est quoi? Kafir, crois pas en l'akhira, lui. Crois pas le iman, parce que celui qui croit que l'akhira existe, mais il ne la cherche aucunement, ça ce n'est pas un mu'min. Est-ce que c'est clair? Aucunement, aucunement, aucunement. Ça veut dire que ça ne lui arrive jamais de faire des bonnes œuvres pour dire « Ça c'est pour l'akhira, Inch'Allah. J'espère que, Inch'Allah, je vais avoir le adr auprès d'Allah Azza wa Jal. » Ça c'est pas un... c'est pas un mu'min, c'est clair. « Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. » Certes, « Inna rabbaka, ton Seigneur, huwa a'lamu, c'est lui qui est plus connaisseur, il connaît plus. Biman dhalla an sabilihi. L'état, la vérité de celui qui s'est égaré de son chemin. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Et c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui connaît l'état pleinement, l'état de celui qui est ihtada, ça veut dire celui qui a suivi le chemin de la guider. Donc de un ici, ça parle de Allah Azza wa Jalla, nous parle de lui subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit inna Allaha huwa a'lamu biman dhalla an sabil, inna rabbaka, certes c'est ton Seigneur qui connaît plus. Comme on a dit tout à l'heure, la guider, l'égarement, c'est pas de nos affaires à nous. Tout ça, ça existe beaucoup dans le Coran, mais quoi? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais expérimenté ça avant. Il vient de devenir prophète. Ça c'est dans le Coran, mais quoi? Il est en train d'expérimenter pour la première fois quelle est la réaction de son peuple. Pas toujours la réaction qu'il attendait, alayhi salatu wa sallam. Rappelons-nous, le prophète alayhi salatu wa sallam, il connaissait Quraysh très très bien, il connaissait les gens très très bien. Alors c'est certain qu'au début de Ar-Risala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait beaucoup d'espoir sur certaines personnes. Que telle personne de Quraysh est telle, ça c'est quelqu'un qui comprend vite et ça c'est quelqu'un qui peut-être va accepter l'islam. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à voir que la réaction de chacun, ce n'est pas comme nécessairement il s'attendait. Ce qui lui causait beaucoup de tristesse, alayhi sallatu wa sallam. Savoir que certaines personnes, il voit très clairement, lui, il connaît. C'est facile pour lui de comprendre la vérité. Comment guider cette personne? C'est là, Allah Azza wa Jal, il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'autres ayats. Laysa alayka hudahum, tu n'as pas le devoir de les guider, de les tirer vers la guider. Walakin Allah yahdi man yasha. Et aussi on a ces ayats là qui nous disent que c'est Allah Azza wa Jal qui connaît les secrets de cette guider et d'égarement. Et que ça c'est quelque chose qui revient à la rububiyya, à la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Inna rabbaka huwa a'lamu biman. Ça c'est parmi les choix que il y a personne qui comprend pourquoi à part Allah Azza wa Jal. Chacun parmi nous et chacun à l'extérieur, pourquoi est-ce que Allah Ta'ala il lui a accordé ses parents, C-C-E-S, ses parents, cette famille en particulier, cette race? Pourquoi? C'est Allah Ta'ala qui sait. Il n'y a personne qui sait pourquoi lui il a mérité cette famille, ses parents, et pas une autre famille. Pas... Ça, c'est des choses qui reviennent quoi? À la rububiyya d'Allah Azza wa Jal, à la seigneurie d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. On ne peut pas les comprendre. Il n'y a personne qui peut expliquer pourquoi. La même chose ici, pour al-dalal ou al-hidayah, l'égarement et la guider, ce qui est dans les cœurs, ça revient à la rububiyya, à la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Inna rabbaka, c'est ton Seigneur. Ça veut dire, oh toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne porte pas ce souci-là. C'est ton Seigneur. C'est Allah Azza wa Jal qui connaît plus l'état de celui qui s'est égaré. Dalla an sabilihi. Qala abbara birrabbi isharatan ila anna dalala hadha min al-ihsani ilayhi sallallahu alayhi wa sallam. Liannahu law dakhala fi dinihi la afsada akthara mimma yuslih. Écoutez ça. Il y a des gens, ils nous disent les ulama, il y a des gens que s'ils avaient accepté la religion de l'islam, ils vont causer plus de mal que de bien. Allah Ta'ala épargne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que des gens comme ça soient avec lui. Le contraire, quand on parle des sahaba, c'est pour ça l'un des sahaba, il décrit la génération de sahaba. Qui sont les sahaba? Hum unasun istafahumullah tala ala qulubihim istafahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba, ils sont pas des sahaba juste parce qu'ils ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont pas les meilleurs juste par la vertu d'avoir été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi parce que c'est Allah Ta'ala lui-même qui a choisi les meilleures personnes qui étaient sur cette terre pour qu'ils soient les compagnons du meilleur prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, il sait que Abu Bakr, et Omar, et Uthman, et Ali, Ibn Mas'ud, ça c'est des gens qui sont des personnes très spéciales. Allah les a pris, les a guidés vers l'islam, et il a fait de eux des sahaba du prophète Muhammad alayhi sallatu wa sallam. La guidée complète, quand on dit complète, pas complète, mais la guidée vers l'islam, ou la guider dans l'islam vers certaines bonnes œuvres, c'est pas toujours une chose. En fin du compte, si on savait qu'est-ce que ça va être, c'est pas toujours une chose la plus optimale. Regardez ici. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Tauba? Wa la awda'u khilalakum yabghunakum al-fitna wa fiikum samma'un lahum. Law kharaju fiikum ma zadukum illa khabala. Allah Ta'ala il parle de certains munafiqin. Ces munafiqin-là, s'ils étaient sortis avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire pour la bataille, si je me rappelle bien, la bataille de Tabouk, l'expédition de Tabouk plutôt, ils n'auraient causé que des problèmes, des torts, du tort. Donc là, certains sahaba, ils ont probablement dit, ben, ces gens-là, là, les munafiqin, au moins, ils auraient pu venir participer avec nous, manquer un peu de quelques personnes, ça aurait pu mettre plus de nombre. Non, non, c'est pas toujours le nombre qui compte. Il y a parfois le travail qui est fait à trois, c'est mieux que d'avoir deux autres personnes qui vont se joindre, mais deux autres personnes qui sont des causeurs de problèmes. c'est mieux qu'ils ne viennent pas. On est bon à trois, c'est suffisant. Et si Allah Ta'ala, il sait qu'il y a des gens que si Allah les avait guidés à l'islam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait, ils auraient peut-être créé beaucoup de torts au sein de la communauté des muslimines. والمعنى أنك أنت لا تعلم دخائلهم فلا تتحسر عليهم. Le sens ici, comme il dit ici, إن ربك هو, c'est lui, seulement lui, تفيد القصر وهو قصر حقيقي. Dit le sens ici, c'est que toi, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne connais pas ce qu'il y a au fond de leur cœur. Alors ne sois pas trop attristé pour eux. لا تتحسر عليهم. Porte pas trop le souci de ces gens-là qui ne sont pas guidé. وقدم العلم بمن ضل على العلم بالمهتدي وهذا كثير في وهذا في وهكذا في كثير من المواضع. طيب pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jalla il a mentionné ceux qui sont égarés avant que ceux qui sont guidés? Normalement, la guidée c'est mieux que l'égarement. Les gens qui sont guidés sont meilleurs que ceux qui sont égarés. Mais Allah Ta'ala il dit inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabil. Allah Ta'ala il connaît plus l'état de ceux qui sont égarés, et aussi Allah Ta'ala, il connaît, c'est lui qui connaît l'état de ceux qui sont guidés. Il dit ici, الوجه أن المذكور في المواضع كلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والمعاندون فذكرهم أولا تهديدا لهم وتسلية لقلب نبيه صلى الله عليه وسلم. Parce que ici, c'est selon le contexte, l'objectif de la ayah. L'objectif de la ayah, c'est quoi? De un, comme on a dit, de réconforter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui le soucie alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas les gens guidés. Les gens guidés, il est heureux pour eux alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il porte le souci de ceux qui sont égarés. Et c'est aussi parce que le message ici est un avertissement, une menace à ces gens-là qui sont égarés. Allah Ta'ala, il parle de inna rabbaka huwa. Le contexte ici, c'est un contexte d'adversité avec ces gens-là qui sont égarés. Allah Ta'ala, il vous connaît, vous qui sont égarés. Oui, Akhi. Non. Là, personne ne peut utiliser. Chacun, Allah Ta'ala, il a envoyé des prophètes, des messagers. Allah Azza wa Jalla lui a donné une volonté. Il est pleinement responsable de ses actions. Non. طيب, la ayah après, c'est la ayah numéro 31 avec laquelle on va conclure aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jalla, parce qu'après ça, il y a une ayah très importante qui vient compléter cette ayah 31, mais l'autre ayah, elle a beaucoup d'enseignements. On n'aura pas le temps de la couvrir dans cette séance. Allah Azza wa Jalla dit subhanahu wa ta'ala وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartiennent ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Tout appartient à Allah Azza wa Jalla. Samawat wa al-ard et ce qu'il y a dans samawat wa al-ard. Li yajziya alladhina asa'u bima 'amilu. Afin qu'il rétribue al-jaza, qu'il donne la conséquence à ceux qui ont fait as-su, le mal, ceux qui ont fait le mal, Allah Ta'ala, il va leur donner la rétribution de leurs actions. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Et que aussi pour que Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, dans la rétribution, dans le sens ici de la récompense, à ceux qui font le bien. Par al-husna, al-husna qui est la meilleure, ça veut dire la meilleure récompense. Alors ici il dit, لِيَجْزِيَ اللَّهُ الَّذِينَ أَسَاءُ الْعَمَلَ جَزَاءَ مَا عَمِلُوهُ مِنْ كُفْرٍ وَعِصْيَانٍ. Ladina asa'u, ceux qui ont fait le mal ici c'est bien sûr le plus grand mal, c'est le kufr, le shirk, inna shirka la dhulmun azim, et il y a l'autre mal qui est moins grand que celui qui est le plus grand, et ça c'est quoi? Le péché, la désobéissance, al-usyan. Allah subhanahu wa ta'ala va donner la rétribution pour ça. Alors il dit ici, قيل ليجزي متعلق بمعنى قوله هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى فإذا كان أعلم بهم جاز كلا بما يستحقه لأن نتيجة العلم جزاؤهما وأن ما بينهما اعتراض. Donc ici on a le mot lam ليجزي afin qu'il. Pourquoi ça dit afin qu'il ici ليجزي؟ Alors il y a certains ulama qui disent ça c'est relié à la ayah avant. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي. Que Allah Ta'ala, il sait, connaît l'état de celui qui est égaré et il connaît l'état de celui qui est guidé afin qu'il donne la rétribution à chacun des deux. Donc là, le lam, il est relié à la ayah avant. C'est une conséquence, en quelque sorte. Allah Ta'ala, il connaît leur état. Allah Ta'ala va donner la rétribution. طيب. Quelque chose de très très intéressant ici, regardez. Encore une fois, ça c'est parmi les miracles du Coran et les secrets du Coran et on ne pourra jamais tous les connaître. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. Concentrez-vous bien ici. Que Allah ta'ala, il dit qu'il va donner à ceux qui ont fait le mal, السُّوء. Allah va leur accorder la rétribution pour leurs actions. Bima amilu, selon leurs actions. Alors ça dit ici, anna sayyi'ata la yujaza al-insanu bi akthara minha. Allah Ta'ala ne punit jamais quelqu'un pour plus que le mal qu'il a fait. La punition que Allah Azza wa Jal réserve à ces gens-là, iyadan billah, c'est la punition pour leurs actions. Ne seront pas punis pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Chaque punition sera pour leurs actions. Mais après ça, Allah Azza wa Jalla dit quoi ? وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Allah n'a pas dit. Et que Allah, il va donner la récompense, la rétribution de ceux qui ont fait le bien pour leurs actions. Non. Pourquoi ? Parce que la rétribution pour ceux qui font le bien ne sera pas pour leurs actions. Sera beaucoup plus que leurs actions. C'est pour ça qu'il dit ici أَتَى بِالصِّفَةِ الَّتِي تَقْتَضِي التَّفَضُّلُ وَتَدُلُّ عَلَى الْكَرَمِ وَالزِّيَادَةِ لِلْمُحْسِنِ وَهِيَ بِالْحُسْنَى أَحْسَنُوا. Allah Ta'ala n'a pas dit لِلَّذِينَ فَعَلُوا الْخَيْرِ. Ceux qui ont fait le bien, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit? Ceux qui ont أَحْسَنُوا. Le mot ihsan, ça vous donne quelle idée ici? Le sommet de la croyance. Le sommet du bien. Exceller. C'est plus que... L'ihsan, c'est plus que le juste. C'est plus que quand on te dit الإحسان إلى الوالدين. الإحسان إلى الجار. Al-ihsan ila être bienfaisant. Donc, al-ihsan, c'est quoi? C'est qui le muhsin? Muhsin, c'est celui qui fait beaucoup de bien. C'est pas quelqu'un qui dit, toi, tu es pauvre. C'est ça, tu n'as pas? Tu as besoin de combien pour manger aujourd'hui? Une soupe, peut-être un pain? Ok, sadaqa. Voilà. C'est khayr, sadaqa. Le muhsin, c'est pas comme ça. Muhsin dit, voilà, sadaqa, vali, profite, dépense sur tes enfants, tu as besoin de quelque chose d'autre. T'ajoutes, il donne plus que... Ça, c'est le ihsan. Alors, Allah Ta'ala, il a dit que ceux qui font l'ihsan, ihsanu, Allah Ta'ala va leur donner quoi? Al-husna. Déjà, le sens ici, c'est un sens de générosité, de multiplication, quelque chose qui est ouverte. C'est pas... Allah Ta'ala va donner aux croyants la récompense selon les bonnes œuvres qu'ils ont fait juste. Ce n'est pas comme ça. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est al-shakur لِأَنَّ فَضْلَ اللَّهِ أَوْسَعُ مِنْ أَعْمَالِنَا. Car la générosité, la bienfaisance d'Allah Ta'ala, elle est plus grande que nos actions, elle est plus vaste que nos actions. Et c'est pour cela que عَشْرُ حَسَنَاتٍ إلى سبعي مئات ضعف إلى أضعاف كثيرة. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le croyant, pour chaque œuvre qu'il fait, chaque hasana par défaut, il n'y a pas moins que ça, chaque hasana par défaut, elle est multipliée par 10 jusqu'à 700 multiples, jusqu'à plusieurs multiples. Adhaaf kathira. Littakthir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a mentionné ici, c'est le minimum. Multiplication de 10. Mais jusqu'à 700. Et c'est ouvert encore plus. Allah ta'ala yudha'ifu liman yasha. Wa hadha yadulluka ala sa'ati fadlillahi azza wa jalla wa ihsanihi wa karamihi wa adlihi. Ça nous renseigne sur Allah subhanahu wa ta'ala de 1 sur sa justice. Allah azza wa jalla la yadrimu ahadan. Allah ta'ala n'est aucunement injuste. Et de ce fait, celui qui fait le mal, Allah ne le punit que pour le mal qu'il a fait. Allah ta'ala yu'amiluhu bi'adlihi. Quelqu'un, il fait beaucoup de mal, on veut faire parfois dua contre lui. On va dire, amalakallahu bi'adlihi. Qu'Allah ta'ala te traite avec sa justice. Là, c'est une menace. Qu'Allah ta'ala te traite avec ta justice. Mais Allah Azza wa Jal ne traite pas les croyants bienfaisants par sa justice. Il les traite par sa bienfaisance, par sa générosité. Bifadlihi subhanahu wa ta'ala. Wal-husna, c'est quoi al-husna? Al-husna al-janna. Al-husna ici, dans cette ayah, c'est le paradis, c'est al-janna. Donc parmi les noms du paradis dans le Coran, c'est Al-Husna, lilladina ahsanu, al-Husna wa ziyada, aussi comme dans l'autre ayah de Al-Qur'an, Al-Karim. Wa lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard an yukhbirana, falaysa ma'na annahu malikun faqat, laki min ajli an na'taqida muqtada hadha al-mulki wa huwa al-rida bi qada'ihi wa al-rida bi shar'ihi, hadhi haqiqatu al-mulki, na'am. Tayyib. Le reste, inshallah ta'ala, on va laisser pour la prochaine ayah parce que, comme j'ai dit, la fin de cette ayah est très reliée à la prochaine ayah qui est une ayah très très intéressante et très importante. C'est la ayah numéro 32. Donc ça, on laissera ça pour la prochaine séance. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.